Premier livre de Samuel, chapitre 17. Or les Philistins assemblèrent leurs armées pour faire la guerre, et ils s'assemblèrent à Soco, qui est de Juda, et se campèrent entre Soco et Azeka, sur la frontière de Damim. Saül aussi et ceux d'Israël s'assemblèrent, et se campèrent en la vallée du Chêne, et rangèrent leur bataille pour aller à la rencontre des Philistins. Or les Philistins étaient sur une montagne du côté de Dessa, et les Israélites étaient sur une autre montagne du côté de Dela, de sorte que la vallée était entre deux. Et il sortit du camp des Philistins, un homme qui se présentait entre les deux armées, et qui avait nom Goliath, de la ville de Gath, aux deux six coudées et d'une paume. Et il avait un casque d'airain sur sa tête, et était armé d'une cuirasse à écailles, et sa cuirasse pesait 5000 sicles d'airain. Il avait aussi des jambières d'airain sur ses jambes, et un écu d'airain entre ses épaules. L'arme de sa hallebarde était comme l'ensuble d'un tisserand, et le fer de cette hallebarde pesait 600 sicles de fer, et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Il se présentait donc, et criait aux troupes rangées d'Israël, et leur disait, « Pourquoi sortiriez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas philistin, et vous n'êtes-vous pas serviteur de Saül? Choisissez l'un d'entre vous, et qu'il descende vers moi. Que s'il est le plus fort en combattant avec moi, et qu'il me tue, nous serons vos serviteurs, mais si j'ai l'avantage sur lui, et que je le tue, vous serez nos serviteurs, et vous nous serez asservis. » Et le Philistin disait, « J'ai déshonoré aujourd'hui les troupes rangées d'Israël, en leur disant, « Donnez-moi un homme, et nous combattrons ensemble. » Mais Saül, et tous les Israélites ayant entendu les paroles du Philistin, furent étonnés, et eurent une grande peur. Or il y avait David, fils d'un homme éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, il était vieux, et il était mis au rang des personnes de qualité du temps de Saül. Et les 3 plus grands fils d'Isaïe s'en étaient allés, et avaient suivi Saül en cette guerre. Les noms de ces 3 fils qui s'en étaient allés à la guerre, étaient Eliab, le premier-né, Abinadab, le second, et Samma, le troisième. Et David était le plus jeune, et les 3 plus grands suivaient Saül. Et David allait et revenait d'auprès de Saül, pour paître les brebis de son père en Bethléem. Et le Philistin s'approchant le matin et le soir, se présenta 40 jours durant. Et Isaïe dit à David son fils, « Prends maintenant pour tes frères un épha de ce froment rôti, et ses 10 pains, et porte-les en diligence au camp à tes frères. Tu porteras aussi ces 10 fromages de lait au capitaine de leurs milliers, et tu visiteras tes frères pour savoir s'ils se portent bien, et tu m'en apporteras des marques. » Or Saül, et eux, et tous ceux d'Israël étaient en la vallée du Chêne, combattant contre les Philistins. David donc se leva de bon matin, et laissait les brebis en garde aux bergers, puis ayant pris sa charge, s'en alla, comme son père Isaïe le lui avait commandé, et il arriva au lieu où était le camp, et l'armée était sortie là où elle se rangeait en bataille, et on jetait de grands cris à cause de la bataille. Car les Israélites et les Philistins, avaient rangé armée contre armée. Alors David se déchargea de son bagage, le laissant entre les mains de celui qui gardait le bagage, et courut au lieu où était la bataille rangée, et étant arrivé, il demanda à ses frères s'ils se portaient bien. Et comme il parlait avec eux, voici monter cet homme qui se présentait entre les deux armées, lequel avait nom Goliath, Philistin de la ville de Gath, qui s'avançant lors de l'armée des Philistins, proféra les mêmes paroles qu'il avait proférées auparavant, et David les entendit. Et tous ceux d'Israël voyant cet homme-là, s'enfuyaient de devant lui, et avaient une grande peur. Et chacun d'Israël disait, n'avez-vous point vu cet homme-là qui est monté? Il est monté pour déshonorer Israël, et s'il se trouve quelqu'un qui le frappe, le roi le comblera de richesses, et lui donnera sa fille, et affranchira la maison de son père de toute charge en Israël. Alors David parla aux gens qui étaient là avec lui, en disant, « Quel bien fera-t-on à l'homme qui aura frappé ce Philistin, et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël? Car qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour déshonorer ainsi les batailles rangées du Dieu vivant ?» Et le peuple lui répéta ces mêmes paroles-là, et lui dit, « C'est là le bien qu'on fera à l'homme qui l'aura frappé. » Et quand Eliab son frère aîné, eut entendu qu'il parlait à ces gens-là, sa colère s'enflamma contre David, et il lui dit, « Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis au désert ? Je connais ton orgueil, et la malignité de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille. » Et David répondit, « Qu'ai-je fait maintenant ? N'y a-t-il pas de quoi ?» Puis il se détourna de celui-là vers un autre, et lui dit les mêmes paroles, et le peuple lui répondit de la même manière comme la première fois. Et les paroles que David avait dites ayant été entendues, furent rapportées devant Saül, et il le fit venir. Et David dit à Saül, « Que le cœur ne défaille à personne à cause de celui-là, ton serviteur ira, et combattra contre ce Philistin. » Mais Saül dit à David, « Tu ne saurais aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune garçon, et lui, il est homme de guerre dès sa jeunesse. » Et David répondit à Saül, « Ton serviteur paissait les brebis de son père, et un lion vint, et un ours, et ils emportaient une brebis du troupeau, mais je sortis après eux, je les frappai, et j'arrachai la brebis de leur gueule, et comme ils se levaient contre moi, je les pris par la mâchoire, je les frappai, et je l'ai tué. Ton serviteur donc a tué un lion, et un ours, et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a déshonoré les troupes rangées du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, et de la patte de l'ours, lui-même me délivrera de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va, et l'Éternel soit avec toi. » Et Saül fit armer David de ses armes, et lui mit son casque d'airain sur sa tête, et le fit armer d'une cuirasse. Puis David ceignit l'épée de Saül sur ses armes, et se mit à marcher, car jamais il ne l'avait essayé. Et David dit à Saül, « Je ne saurais marcher avec ces armes, car je ne l'ai jamais essayé. » Et David les ôta de dessus soi, mais il prit son bâton en sa main, et se choisit du torrent 5 cailloux bien unis, et les mit dans sa mallette de berger qu'il avait, et dans sa poche, et il avait sa fronde dans sa main, et il s'approcha du Philistin. Le Philistin aussi s'en vint, et s'avança, et s'approcha de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Et le Philistin regarda, et vit David, et le méprisa, car ce n'était qu'un jeune garçon, blond, et beau de visage. Et le Philistin dit à David, « Suis-je un chien, que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit encore à David, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, et aux bêtes des champs. » Et David dit au Philistin, « Tu viens contre moi avec l'épée, la hallebarde, et l'écu, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des batailles rangées d'Israël, lequel tu as déshonoré. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai, je t'ôterai la tête de dessus toi, et je donnerai aujourd'hui les charognes du camp des Philistins aux oiseaux des cieux, et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura, que l'Éternel ne délivre point par l'épée ni par la hallebarde, car cette bataille est à l'Éternel, qui vous livrera entre nos mains. » Et il arriva que comme le Philistin se fut levé, et qu'il s'approchait pour rencontrer David, David se hâta, et courut au lieu du combat pour rencontrer le Philistin. Alors David mit la main à sa mallette, et en prit une pierre, la jeta avec sa fronde, et il en frappa le Philistin au front, tellement que la pierre s'enfonça dans son front, et il tomba le visage contre terre. Ainsi David avec une fronde, et une pierre fut plus fort que le Philistin, et frappa le Philistin, et le tua, or David n'avait point d'épée en sa main, mais David courut, se jeta sur le Philistin, prit son épée, la tira de son fourreau, le tua, et lui coupa la tête. Et les Philistins ayant vu que leur homme fort était mort, s'enfuirent. Alors ceux d'Israël et de Juda se levèrent, et jetèrent des cris de joie, et poursuivirent les Philistins, jusqu'à la vallée, et jusqu'aux portes d'Écron, et les Philistins blessés à mort, tombèrent par le chemin de Saharajim, jusqu'à Gath, et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël s'en retournèrent de la poursuite des Philistins, et pillèrent leur camp. Et David prit la tête du Philistin, laquelle il porta depuis à Jérusalem, il mit aussi dans sa tente les armes du Philistin. Or comme Saül vit David sortant pour rencontrer le Philistin, il dit à Abné chef de l'armée, « Abné, de qui est fils ce jeune garçon ?» Et Abné répondit, « Comme ton âme vit, ô roi, je n'en sais rien. » Le roi lui dit, « Enquiets-toi de qui est fils ce jeune garçon. » Sitôt donc que David fut revenu de tuer le Philistin, Abné le prit, et le mena devant Saül, ayant la tête du Philistin en sa main. Et Saül lui dit, « Jeune garçon, de qui es-tu fils ?» David répondit, « Je suis fils d'Isaïe Bethléemite, ton serviteur. »